27 octobre. Lecture pour Zied et Bouna, pour ne pas oublier. Devoir de mémoire. Zied Bouna et Bouna Traoré. C'est un texte trouvé sur la page de Ferguson in Paris et aussi sur nantes.indymedia.org. Dans leurs souvenirs, c'était à peu près l'heure de Malcolm sur M6, ou plus tard celle de Nous ne sommes pas des anges sur Canal+. Bref, il était autour de midi. Ce jeudi 27 octobre, dans l'appartement des Traoré, Bouna sort de la douche. Le garçon de 15 ans s'est levé tard, comme ses frères et sœurs, comme tous les enfants de la cité qui borde le centre commercial du Chêne Pointu, à Clichy-sous-Bois, au bout du 9-3. Clichy s'éveille. C'est l'époque des vacances scolaires, celle de la Toussaint. Ici, on dit plutôt les vacances d'automne. La journée est longue, jusqu'à la coupure du jeûne du Ramadan, le soir, en famille. Alors, les petits, comme Bouna, les moyens et les grands, ceux qui, jusqu'à 22 ou 23 ans, vivent toujours chez les parents, font durer la grasse matinée. Ils jouent à la PlayStation, regardent Trace TV, Équipe TV ou des DivX, des films piratés. Pour faire perdre le temps, comme ils disent. Bouna Traoré, yeux doux comme ses frères, est un beau gosse fin, agile et coquet. Ce jour-là, comme chaque matin, il s'enduit le visage de Topicrème, un produit pour peau sèche, donne un coup de fer sur son jogging. Comme son grand frère, Siaka, il porte un petit diamant à l'oreille. Et il n'est pas peu fier de son contour, le must, la coiffure Renoir branchée. On se fait raser à mi-tête par le coiffeur de Sevran. C'est là-bas qu'il coupe bien. Ou chez cet homme de la cité qui manie les ciseaux et coupe à l'amitié, au domicile et à la débrouille. Sans bruit, Bouna nettoie et chausse ses Nike Shox bleus et blancs. Sans bruit parce que son père, éboueur à la ville de Paris, est rentré du travail à 6h du matin, après une heure de RER, plus un bus, le 601. Pour les enfants, la seule contrainte de la journée, c'est de rejoindre la maison à 18h pétante pour couper le Ramadan. À tour de rôle, on se dévoue pour aller faire les petites courses au franc prix du Chêne Pointu, 3€ en moyenne le panier de la ménagère, ou au Lidl de Montfermeil, un peu plus loin mais moins cher. Ce jour-là, c'est Siaka Traoré, le grand de 24 ans, qui fait les courses. À chaque pas, il croise des amis. Un tchèque, le poing de l'un contre celui de l'autre. Tranquille ? Tranquille. Après sa douche, Bouna quitte la Pama, sa cité, pour remonter quelques mètres plus haut vers le Chêne Pointu. Ici, l'histoire locale, même celle des années 60, est oubliée. Ni les petits ni les grands ne savent expliquer que Pama veut dire parc de la mairie. Seul, sans doute, monsieur le maire sait que le Chêne Pointu fut en son temps un petit lourde où on se rendait en pèlerinage. En 1912, trois riches marchands angevins, attaqués et liés à un chêne alors qu'ils se rendaient à la capitale par la forêt de Bondy, furent délivrés par des anges. Trois hommes sauvés des brigands. Un vrai miracle. À Clichy-sous-Bois, le temps ne s'écoule pas comme partout. Les vacances ne vident jamais le Chêne Pointu. Au contraire, elles le remplissent. Pour un Calvin, 14 ans, parti ce mois d'octobre en vacances à Sartrouville dans le 7-8, combien d'autres ne quittent jamais la Seine-Saint-Denis ? Ce 27 octobre, le petit frère de Bouna, lui aussi, est absent. Il est si habile au ballon rond qu'il a été envoyé en détection au Havre, comme dit un copain de classe, La moitié de Clichy, elle est forte au foot parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il fait beau. Tout le monde traîne dehors, c'est-à-dire tous les garçons. Aller-retour, entre le centre commercial, ses vitrines d'aquarium opaque, ses néons jaunasses, sa boucherie halal, son marchand de journaux PMU et, heureusement, l'internet de la boutique Box. L'anti-galère, disent les petits. Retour au pied des tours à Rabelais, là où tout le monde se positionne, 20 mètres plus loin. Si on ne trouve pas les potes dehors, on les appelle chez eux, avec le portable, outil indispensable dès qu'on a à gérer une schneck, une femme, une copine. C'est quand commencent les problèmes de filles et de recharge SFR que, dans la cité, on devient un moyen. Rabelais. C'est là qu'habite Ziyed Bena, 17 ans, le petit dernier d'une famille tunisienne de 6 enfants. Le père, lui aussi, était boueur de la ville de Paris. Il est sévère. Il n'a pas apprécié que le nom de son fils traîne dans une histoire de vélo volé. Ziyed n'est arrivé en France qu'en 2001. Il peine dans sa classe de 3e, mais c'est un mec tracé, expliquent ses copains. Trop stock, trop fort. Pour preuve, son surnom, Lance-Pierre. De mémoire d'habitant du chêne pointu, il était le seul capable de lancer un marron jusqu'au 16e étage de la tour. Ses copains ont immortalisé l'exploit avec une caméra. Ce 27 octobre, c'est l'heure des feux de l'amour. Il est largement temps de sortir. Au chêne pointu, on n'aime pas rester dans les T3. Le samedi ou le dimanche, les grands sont toujours là pour emmener les petits en voiture au flunch ou au cinéma de Ronnie 2. Leur apprendre à conduire des quads. Pour faire passer l'heure. En ce jour de semaine, Bouna, bon footeux, très technique, propose un tournoi au stade de Livry-Gargan, ville limitrophe. Mais bien plus riche que Clichy et son stade, plein de pierres et tout pourri. Il y a là Sofiane, le pote au scooter, Aristide, David, Martin, Bruno, Yaya, tous âgés de 14 ou 15 ans, copains de cité ou de ballon. Suit aussi Muhitin Altun, le kurde, 17 ans, le seul qui ne parle pas bien français, quoique mieux que son père, ouvrier en bâtiment. Ils aiment le zouk, le rap français et américain, comme 50 Cent, Sniper, Psy4, de la rime, et même parfois des variétés françaises. Bouna chantait « Allumez le feu » de Johnny Hallyday, disent-ils. Peu après 17h, les gamins quittent le stade. Petit crochet par un chantier où la région Île-de-France construit des logements sociaux. De sa fenêtre, l'employé d'un funérarium tout proche a en tout cas l'impression qu'un des deux gamins fait le guet. Voudrait-il chipper quelque chose dans le cabanon de chantier ? La police est prévenue. 10 minutes plus tard, une première voiture de la brigade anticriminalité, la BAC, s'arrête à proximité. Les gamins s'enfuient comme une volée de moineaux. « Cours ! Cours !» crie l'un d'eux en apercevant derrière lui un policier en civil, flashball à la main. « On ne doit pas courir, on n'a rien fait !» tente David. En vain. Courir chez eux, c'est déjà un réflexe. Quand il y a quelqu'un qui court, on est obligé de courir. L'autre jour, quelqu'un est arrivé en courant dans la cité, et ben, tout le monde est parti dans tous les sens, raconte Joe à 16 ans. Comment la police nous traite ? Elle nous traite les petits, ça les effraie, argumente Mehmet Dogan, le cousin de Muhitin. Il voit que les keufs, ils nous tutoient et qu'ils nous vannent, qu'ils y vont au culot à l'audace, qu'ils nous traitent d'espèces de kékés. En cœur, les petits assurent qu'on ne les aime pas. Les policiers viennent du Rincy ou de Livry, là où il y a tous les Français. Quand ils viennent ici, ils nous disent Mets-toi contre la voiture, bouffon. Et après, ils disent que c'est nous les malpolis. Même si on n'a rien fait, même si on n'a rien, ils nous traitent de petits pédés. Dans leur tête, tout en courant, les petits font leur compte. Ils ne prennent leur papier d'identité que pour les grandes occasions, la foire du trône, les courses à Chelles ou à Clignancourt, quand les grands frères les emmènent acheter des hauts et des jeans fashion. Nos parents, ils ont tellement de mal à les avoir, ces papiers, qu'ils en prennent soin, explique Siaka Traoré. Les petits, ça perd tout. Ils sont donc bien cachés dans l'attaché-caisse du papa, dans la chambre ou dans le sac de maman. Seuls traînent dans la cuisine les cartes famille nombreuse ou celles du collège. Se faire attraper un jour de Ramadan n'est pas une bonne idée. Qu'ils passent entre 1 et 4 heures au poste, ils seront de toute façon en retard pour l'iftar. J'avais faim et en plus, on avait joué au foot et on était assoiffés. Je voulais pas perdre de temps, dit Yaya. Pendant le Ramadan, enfin, on ne doit pas commettre de bêtises. Même si on est innocent, les parents nous disent « Pourquoi est-on attrapé si t'as rien fait ?» explique un ami de Bouna. En courant, Ziyed lâche tout haut « Si les civils m'attrapent, mon père il m'envoie au bled, en Tunisie !» Un cauchemar. Il s'amuse bien dans la cité. Bouna, tellement il jouait, il prêtait même pas attention au repas. Sa mère lui disait « T'as mangé, Bouna, t'as mangé ?» raconte son frère. La petite bande remonte le parc des amoureux, traverse sans regarder la rue qui sépare Livry-Gargan de Clichy, et entre par une porte ouverte, tatouée d'affiches « Non au référendum » dans un terrain municipal en friche où les gitans du coin viennent pique-niquer au beau jour. C'est là, semble-t-il, que les policiers arrêtent Haruna et Sofiane, qui court moins vite. Ziyed, premier au cross de l'école, Bouna et Muitin gagnent, au bas du terrain vague, un mur de béton orné de tags et couronné de fils barbelés qui longe jusqu'au cimetière. Une seconde équipe de policiers, prévenue par Tokiwulki, a pris place derrière les tombes. La nuit est là. On entend aboyer les chiens des pavillons de Livry-Gargan. Saut, courte échelle, voilà les trois amis. Le noir, l'arabe et le turc, soupirent leurs copains. Derrière les 3 mètres de l'enceinte de la centrale EDF. Ils ne regardent pas les têtes de mort sur l'avertissement placardé. L'électricité, c'est plus fort que toi. Plutôt que de monter sur des échelles et de s'allonger sur le toit d'un des bâtiments, ils choisissent d'escalader les 4 mètres du transformateur à l'abri des regards. C'est très haut. Mais comme dit Joe, avec la peur, on peut tout faire. Et ils y restent une bonne demi-heure. À 18h12, Bouna et Ziyed ont sans doute un geste maladroit. Un arc électrique se forme entre eux. Tous les trois sont soulevés de terre par une décharge de 20 000 volts. Aux chaînes pointues, la télé de Moussa, 15 ans, s'arrête net sur sa série. On ne comprenait pas ? Au commissariat de Livry-Gargan, le brigadier Sébastien M., qui s'applique à expliquer dans son rapport qu'aucune dégradation n'a été commise sur le chantier avant de rendre les autres mineurs arrêtés à leurs parents, est tout à coup plongé dans l'obscurité. J'ai constaté qu'aucun fusible n'était désenclenché. La coupure ne venait pas du commissariat, a-t-il confié sur son procès-verbal. Le courant est revenu 5 minutes après, j'ai pu faire mon rapport. Comment Muitin, brûlé par quelques 2000 degrés, la peau collée à ses vêtements, mais vivant, Trouve-t-il alors la force de revenir aux chaînes pointues et de retrouver le grand frère de Buna? C'est un guerrier, répondent en hommage ses copains. Le jeune Kurde, juste capable d'articuler les deux prénoms de ses amis, entraîne une dizaine de garçons sur le terrain vague et de répéter « On s'est fait courser, on s'est fait courser !» Sans geindre, il montre de son index la direction à suivre, mais arrivé devant la centrale, il détourne les yeux à l'opposé, cache son visage en pleurs sous son autre bras. Je me disais « Mais c'est quel endroit ici? Jamais, même pendant mon enfance, j'étais venu là », raconte Siaka. Plus on avançait, plus on sentait une chaleur de malade. Puis Muitine, il était triste. « Buna, Ziyed !» crie la bande. Mais personne ne répond. Les minutes deviennent des heures. La rumeur se répand. On a attendu, tellement attendu, plus qu'à la NPE. On a même dû battre des records du consulat, raconte son frère. La mère de Buna fait tomber les armes. Son père se frappe la tête contre le mur de la centrale. Ils sont morts, c'est certain. Les baskets de Ziyed, des converses toutes neuves, noires et gris, ont été carbonisées, comme les Nike Shox de Buna. Mais ces Adidas sont restés quelques jours dans l'entrée du T3, avant de s'en aller avec lui pour l'enterrement au Bled, en Mauritanie. Avant le voyage, Siaka Traoré a demandé à voir le corps à l'Institut médico-légal. L'histoire qu'il raconte ressemble à une scène du réalisateur Jean-Claude Brissot. Une belle dame, très douce, l'a prévenu que, quand il ouvrirait la porte, son petit frère serait là, à gauche, en entrant. Il l'a aperçu tout de suite, Buna. Une tache noire, sa figure, dans tous ses draps blancs. Les brûlures avaient gonflé son visage bleu, rose, noir. Mais sa coiffure, ce dégradé qu'il s'était fait dessiner une semaine plus tôt pour être beau pour l'Aïd, était intacte. Siaka Traoré n'a vu que cela. La chevelure de l'ange. Son seul réconfort. Son contour, son dégradé, c'est les seuls endroits qui n'ont pas été touchés.